j'aime lorsque tu es là. Oh, j'aime t'avoir contre moi. J'aime, c'est si bon, crois-moi, avec toi. Quoi? J'aime rester près de toi. Ouais, j'aime t'avoir dans mes bras. J'aime, c'est si bon, crois-moi, avec toi. Quoi, hein? Tout enlacé sur le sable au soleil, dans le bleu du ciel on voit mille merveilles. On est amoureux comme il n'est pas permis, en jeu que l'on s'aimera toute la vie. Oui, j'aime, ne le vois-tu pas? Ouais. J'aime t'avoir près de moi. Hein. J'aime, avoue comme moi que tu aimes. Quoi? J'aime lorsque tu es là, ouais. J'aime rester près de toi. J'aime, c'est si bon, crois-moi, avec toi.